à tous bonsoir à tous et bienvenue sur les nouveaux enregistrements européens, édition 12. Voilà pour la deuxième émission. Alors, après une petite pause de vacances, on reprend donc les bonnes habitudes pour la rentrée à septembre 2020 avec, bien sûr, de nouveaux titres, de nouvelles productions. Alors, il s'agit du thème Force de frappe 3, c'est-à-dire de nouvelles productions, de nouveaux artistes, à proposer avec quelques petites choses un petit peu plus anciennes. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec un excellent titre de Art of Empathy et ensuite on en reparle tout de suite. End of easy. Voilà pour donc Art of Empathy. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Art of Empathy? C'est simple, c'est que ça nous vient de Belgique. C'est fondé par Jeff Janssen. Alors Jeff Janssen travaille en fait sur des musiques sombres et romantiques et parfois apocalyptiques. Où il y a en fait un caractère plein de respect pour les merveilles de la nature et en même temps totalement animé par la mélancolie. Alors c'est un petit peu paradoxal, mais en même temps le créateur parle en fait qu'il a été submergé par une bande originale d'un film qui s'appelle The Snowman, Walking in the Air. C'est pour ça qu'il a collectionné en fait ses propres riffs mélancoliques de guitare sur bande, étant tout jeune déjà. Donc voilà. Alors en fait, Art of Empathy, cette production a été quand même qualifiée par de nombreux éditeurs spécialistes. Comme très adapté aux bandes son cinématographiques de films assez sombres. Voilà pour tout ce qu'on peut dire de Art of Empathy. Alors pour le titre c'était End of High, donc tiré du dernier album de 2020. Voilà pour Art of Empathy. On va continuer tout de suite avec Waffenru. Alors vous vous rappelez de Waffenru, j'en avais parlé, dirigé par Soldat T, qui est mort maintenant, qui est décédé il y a quelques temps. Et donc c'est tiré d'un album assez spécifique, puisque c'est Résistance Armée. C'est en fait un peu un album de release en fait qui a été proposé assez récemment, donc sur des titres un petit peu moins connus de Waffenru. Et on va s'écouter donc un titre Geursam donc de Waffenru. Ist zu vergessen. Alles, was ihr bisher gewusst habt, alles, was ihr bisher gelernt habt, vergessen. sans le voir filer les glaces. Moi sa vie c'est son espoir. En ta main tout le long m'attend. Entendu le bref poison. Qui était avant celui qui vient de passer, c'était bien sûr Waffenruh avec le titre Gehorsam. Et ensuite, il y avait donc un autre groupe qui s'appelle Tromor Libon et ça s'appelait Le Poison. Alors, en fait, il interprétait cela en français. Alors, Tromor Libon, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de Hanovre. Le groupe en fait joue un mélange de dark folk et de musique pop électronique sombre, voilà. Donc on est plutôt dans la dark ambiante un petit peu. Le nom fait référence aux dualités de la vie. Voilà, le nom peut être interprété comme vivre un rêve ou vivre un traumatisme de l'histoire. Voilà, il a été fondé, en fait, le groupe a été fondé par Jay Cocopelli pour le chant, guitare et percussion. Et ensuite, il y a eu des séparations avec divers musiciens, divers artistes, etc. Et ensuite, il s'est allié à d'autres personnes comme JWW à la basse. Et le groupe est ressorti donc en 2017. Il faut savoir quand même que le groupe date quand même d'assez longtemps. Hein. Il faut savoir que je crois qu'en 2005, hein, 2006, hein, quand même, c'est quand même assez énorme. Donc au niveau des productions, il y a une grosse coupure et depuis 2017, donc le groupe est revenu aux avant-postes. Voilà, et d'ailleurs c'est tant mieux parce que les titres d'ailleurs de Tromor Libon sont excellents. Voilà, on va tout de suite passer, on va en parler juste ensuite avec Slawa Wola et on parlera un petit peu de cette production pour la bonne et simple raison qu'il y aura plusieurs titres de Slawa Wola au sein de cette émission. We'll be right back. Voilà, voilà pour un groupe extrêmement intéressant qui est Staola Voila. Alors, Staola Voila, en fait, le nom peut être un petit peu étonnant. Tout simplement que Staola Voila est en fait une ville de Vouvoïdie des Basses-Carpates dans le sud-est de la Pologne. C'est le chef-lieu de Poiwa de Staola Voila. Voilà, c'est une ville. Donc pour s'intéresser au groupe, en fait, Staola Voila, excusez-moi, c'est un petit peu difficile à dire, est un projet en fait industriel martial basé sur la signification symbolique et historique de la ville polonaise. Donc celle-ci est en fait quelque part. Cette traduction peut être lue comme la volonté d'acier, voilà. Voilà, donc tout un programme avec ce groupe extrêmement intéressant. Et je peux vous dire que il y a trois titres dans l'émission qui sont absolument excellents. Alors le dernier titre de Staola Voila tout de suite, c'était Astute. Personnellement, c'est un dernier album de 2020. Et je peux vous dire que c'est absolument excellent en termes de nouveautés. Voilà donc pour ce groupe polonais. Voilà, tout de suite, on va se passer deux titres avec Huinous et Art Abscoon. Et on en parle tout de suite après le passage de ces deux titres. A tout de suite. Sillä et nälkää et nää, kylmä spielte Sonaten auf Dächern und Türmen als mildgrünes Lächeln in goldfarbenen Stürmen. Wir reden und warten mittags. Dernier titre. Alors, on va parler du titre juste avant. Alors, juste avant, c'était pour nous resituer, c'était Unios avec le titre Casquela Orinco. Alors, Unios, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, ça nous vient tout droit de Finlande. C'est une production qui, en fait, travaille sur les musiques folkloriques sombres traditionnelles en langue finnoise. Et depuis 2015, quand même. Donc c'est un projet folklorique finlandais qui travaille sur les mythes. Il travaille en fait sur une musique traditionnelle, donc assez sombre, inspirée de la nature et de la mythologie nationale. Voilà. Donc entre-temps, au fil des productions en fait qu'ils ont faites depuis 2015, ils travaillent sur la langue maternelle finnoise. Voilà, vraiment c'est plus en détail. Et sur la mythologie bien sûr finlandaise et les paysages teintés d'esprit finlandais. Voilà en fait pour situer un peu Unios. Enfin c'est quand même très intéressant. En plus du point de vue aussi culturel. Voilà, en ce qui concerne la Finlande. Voilà, ensuite on est passé donc par un titre avec Art Abscone. Alors Art Abscone avec ce titre Gerhem Eimait. Alors Gerhem Eimait, c'est un titre tiré du dernier album de Art Abscone. Voilà. Alors ça nous vient d'Allemagne, de la ville de Duisburg. Voilà, c'est un projet quand même qui existe quand même depuis 2008. Donc pour l'information, c'est vrai qu'il a produit pas mal de petites choses. Alors c'est marrant parce que lui, enfin l'artiste, hein, parce qu'en fait il est seul. La façon dont il explique son attirance pour la musique, c'est qu'en fait qu'il a rencontré le grand maître Abscon pour la première fois dans un bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale en avril 2007. Voilà, c'est assez marrant d'ailleurs de lire un petit peu la biographie en fait de l'artiste, parce qu'il raconte en fait quelque part sa vie. Quelque part musical, mais d'une certaine manière, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ce qui l'intéresse, c'est en fait de jouer dans les bunkers pour la bonne et simple raison qu'il y a en fait une certaine acoustique spécifique. Voilà, donc il est inspiré par les œuvres de la chorale de Hildegard von Bingen. Voilà pour. Pour information, c'est vraiment intéressant de point de vue culturel, artistique, c'est vraiment assez recherché. Voilà pour Abscon que je conseille au préalable. Voilà, on va continuer après Art Abscon avec Isenwolf et on en parle juste après. We'll be right back. voilà pour le dernier titre, c'était Eisenwolf avec Krieg Skeeter. Voilà donc Eisenwolf. Alors ça nous vient du Danemark et c'est inspiré en fait du Death Industrial. Des sons en fait du nord du Danemark, donc du nord, dans des paysages sombres et froids. Voilà, en fait, Eisenwolf, c'est un mélange impie de rythmes martiaux, industriels, death industriel, néo-folk, néo-classique, dark ambiante, et aussi inspiré par l'horreur et l'occulte. Voilà, comme vous l'aurez remarqué, quand même, le son, c'est quand même un son assez spécifique, avec une voix extrêmement déformée, un petit peu démoniaque, et en fait, ça crée en fait une ambiance assez lourde. Néanmoins, la composition, moi je trouve que la composition vraiment excellente, donc très martiale en même temps, qui en fait soutient en fait le type de production d'Eisenwolf. Voilà, on va se mettre deux titres maintenant à la suite. Il s'agit de Wayan avec Bootsy Meaton et bien sûr Rome, le dernier album de Rome. Et oui, le dernier album, encore un nouvel album de Rome. Décidément, ce groupe luxembourgeois est très prolifique, puisque encore une nouvelle production, puisque lors de la dernière émission, la stand de Blanc, les nouveaux enregistrements européens, j'avais passé donc Rome. Voilà, donc on revient encore sur une nouvelle production qui vient tout juste de sortir, et ça sera le titre Hartung Baby avec une feature avec Alain Vréry. Voilà, donc on va passer ces deux titres et ensuite on reparle de tout ça. We'll be right back. never shone bright. We worship not the ashes of what once burned alight. We preserve the fire, we protect the flames. Our God's eternal, go by different names. The birds have the eagle, beasts have the lion. And I shall be kneeling before that king of mine. The birds have the eagle, beasts have the lion. I shall be kneeling before that king of mine. We worship not some flashes that never shone bright. We worship not the ashes of what once burned alight. We preserve the fire, we protect the flame. Our God's eternal, go by different names. The birds have the eagle, beasts have the lion. And I shall be kneeling before that king of mine. The birds have the eagle, beasts have the lion. And I shall be kneeling. Voilà donc pour les deux derniers titres qui viennent de passer, donc c'était Wayan et Rome. Alors Wayan avec Bridges Mitten et puis Rome avec Hartung Baby. Voilà. Alors pour repasser sur Wayan, alors Wayan c'est un groupe extrêmement intéressant, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup. C'est originaire des Flandres, de la partie néerlandophone de la Belgique. En fait, Wayan se veut la manifestation des visions musicales dynamiques de Miguel, qui est cerveau derrière des groupes comme Insomnia, Similacra, Manus ou Beyond Affinity, et qui sont en fait habituellement des groupes qui font du métal païen. Voilà, donc ça, c'est bien en fait que quelque part qu'il y ait en fait une déviation à travers en fait toutes les productions qui existent en fait dans le métal païen, qu'il y ait en fait des orientations vers la dark folk et le néo folk. Donc en fait c'est une autre production. Voilà pour Wayan. Et donc pour le deuxième groupe, vous l'aurez reconnu bien sûr, j'en ai assez souvent. C'est le groupe Rome, donc groupe luxembourgeois. Voilà, donc avec le tout dernier album, d'ailleurs excellent au préalable. Alors un tout dernier album assez marqué d'ailleurs par pas mal de participations, puisque là par exemple c'est un feat avec Alan Avenbry et donc de Primordial. Voilà, et donc l'album c'était The Lone Furo, il date de 2020, donc de cette année, encore une nouveauté. Voilà, et on va passer tout de suite avec Cold Fusion et on en parle tout de suite après. Voilà pour donc Cold Fusion. Alors Cold Fusion, c'est ça nous vient de Pologne, de Białogard. Donc c'est un groupe quand même qui existe depuis 2002 et qui est toujours présent sur la scène industrielle, martiale. Et Dark Ambient. Et faut savoir que en fait le groupe est vraiment vraiment intéressant, parce que comme vous l'avez senti à travers le titre, il y a quand même une des atmosphères assez oppressantes. Alors ils travaillent sur les atmosphères, comme ils disent, oppressantes, sur les villes occupées dans un pays occupé. Voilà, seule illusion de liberté, pas de liberté. Voilà comment en fait ils travaillent. Alors On pourra comparer le groupe un peu à Challenge of Honor ou les Joyeux de la Princesse, ou des fois avec certaines sonorités à la Dead Can Dance. Alors en fait, il s'agit en fait au fil des productions, hein, pas obligatoirement le titre lui vient de passer, qui est quand même plutôt martial néoclassique, mais il travaille quand même sur des sons tantôt un petit peu lorgnon avec le style Heavenly Voice. Donc c'est vraiment intéressant. C'est extrêmement prolifique d'ailleurs pour ce groupe, voilà. Donc vraiment très très bon, voilà, pour Cold Fusion, voilà, tiré d'ailleurs de leur dernier album. Voilà, on va passer tout de suite deux titres. Alors les deux titres, ça va être un groupe qui s'appelle Murmur Mori avec Cantero di Ciparti, et ensuite on retrouvera Staloa, voilà, comme d'habitude, avec trois titres, hein. J'avais proposé trois titres au fil de l'émission Last on the Ground. Alors il s'agira de 1945, voilà. Tout un programme. Donc tout de suite on passe par Murmur Mori. Vous allez voir, c'est assez spécifique. Canterò di chi partì, l'aria sentì venir manco, scosse un poco il forte fianco, poi la luna impallidì. Pochi duri e dolci gli anni, fior d'onore la sua vita, mentre io son gemma sbigottita. Senza tronco tra gli affanni, come foglia nel vento nevo. Grazie. Voilà, voilà pour donc ces deux titres qui viennent de passer. C'était bien sûr Murmure Mori et Staola. Voilà pour le dernier titre, Staola. Voilà, c'est tiré du dernier album datant de 2020. Donc c'était le titre 1945 et l'album c'est Will Hop Steel. Voilà pour l'information. Alors juste avant, c'était avant Stawa, voilà, c'était donc Murmure Mori. Alors Murmure Mori, c'est vraiment très intéressant, puisque en fait l'ensemble Murmure Mori travaille sur des sons en fait un petit peu du Moyen Âge, enfin du moins au fil de la production. En fait, c'est un groupe qui est né de l'idée de Volpe Mirko et Cora Silvia d'Italie, Silvia, dans le but de créer une nouvelle musique ancienne. Alors voilà, une recréation d'une musique ancienne. Le projet tire ses racines du Moyen-Âge et de certaines périodes donc du Moyen-Âge, lorsqu'il était un vecteur de divertissement ou de dénonciation sociale. Voilà, mais aussi un moyen fondamental d'information culturelle. Murmure Mori ne propose pas des reconstitutions historiques, dans leurs travaux musicaux, mais donne vie à de nouvelles musiques. Voilà, carrément de nouvelles musiques, mais avec des sons anciens, traitant aussi par exemple des thèmes actuels. C'est ce qu'on aurait fait en fait à l'époque du Moyen-Âge. Voilà, tout simplement. Et en fait, ils prennent une attention particulière à la relation entre la société et la nature. Voilà, donc le projet est extrêmement intéressant. Le concept, en tout cas, c'est clair. Hein. Donc voilà, ça nous vient d'Italie. Et il faudra de suivre très près ce groupe. Voilà, donc classé quand même dans le néo-folk actuellement. Voilà, pour l'information. Alors, autre chose, nous allons passer bien sûr au tout dernier album d'Arditi. Alors ça, c'est Kids Exclu. Pourquoi ? Parce qu'il vient, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et cet album, c'est Insignia of the Sun. Voilà pour le tout dernier album d'Arditi. Alors, Arditi, le groupe phare... du martial industriel néoclassique, et ça on aime beaucoup. On avait passé d'ailleurs au début des premières émissions de Last on the World les nouveaux enregistrements européens. Donc on rappelle, Arditi est composé d'Henry Moller, du groupe Puissance, ça nous vient de Suède, bien sûr, et forcément c'est lié à deux groupes de black metal, Algion et Optinomos, voilà pour l'information. Donc on s'écoute ce dernier titre du tout dernier album et de cette année d'Arditi. We see ecstatic perfection never again attained. Italic Rome taught us that formal state discipline with which a threatened community must fashion and defend itself. And Germanic Europe gave to mankind its most radiant ideals. highest values. The concepts of honor and freedom of conscience fought for on battlefields everywhere, as well as in the studies of scholars. Does not triumph in the great struggle which is coming, the West and its blood will perish. Voilà, voilà, voilà pour donc le dernier titre qui venait de passer après Arditi, son dernier album. C'était donc Slawa, voilà. Donc comme je l'avais dit, trois titres de Slawa, voilà. Toujours avec son dernier album datant de 2020 et le titre c'était Labor Omnia Vincit. Voilà, absolument excellent. Véritablement, vraiment une très belle orchestration. Moi, véritablement, j'accroche beaucoup. Voilà, donc pour ce groupe, eh bien, on va se terminer avec un dernier titre. On avait commencé, comme d'habitude, avec Art of Empathy, toujours avec le premier groupe. On termine avec le même groupe, donc Art of Empathy avec World Soul Shine Retest. Voilà, donc j'espère que cette émission vous a plu, je reviendrai bien sûr sur une prochaine émission, alors peut-être une émission consacrée à un groupe, comme on a déjà fait déjà auparavant, avec Laibar ou Darkwood, et peut-être un spécial en fait, une spéciale consacrée véritablement à une production. Voilà. Donc je vous souhaite, chers camarades, et bien une bonne continuation et puis bien sûr continuez à écouter l'Instant de Gwang, les nouveaux enregistrements européens. Et un petit message quand même, je remercie le forum Europe Écologie Les Brins de me laisser mettre justement les posts de l'Instant de Gwang, les nouveaux enregistrements européens. Europe Écologie Les Brins, affilié bien sûr au site Démocratie Participative, le site le plus humaniste de la planète. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, chers camarades, et bien sûr, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission sur Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européens. Allez, je vous laisse avec Art of Empathy et le titre Where Soul Shine Rockest. Dive into this Christian womb to find but nothing else. I know the moves I'm supposed to make. And I know the board. So, I've been doing a lot of thinking lately. And I've started to focus out beyond the edge of the board. At a bigger game. What game? A sound. Enjoy.